Chapitre 1er. Les laits bretons. C'est dans la première partie du XIIe siècle que Geoffroy, moine bénédictin d'une abbaye située sur les limites du pays de Galles, fit passer dans la langue latine un certain nombre de récits fabuleux décorés par lui du nom d'Historia Britonum. Je dirai tout à l'heure aussi, comme il le prétendait, il n'avait fait que traduire un livre anciennement écrit en breton, s'il n'avait eu d'autre guide qu'un livre purement latin, s'il l'avait plus ou moins ajouté à ce texte primitif. Mais, en admettant que Geoffroy de Monmouth n'eût consulté qu'un seul livre écrit, il ne faudra pas conclure que tous les récits ajoutés à ce premier document aient été l'œuvre de son imagination. Bien avant le premier tiers du XIIe siècle, les harpeurs bretons répétaient les récits dont les romanciers français devaient s'emparer plus tard. Disons quels étaient ces harpeurs bretons. Pour constater leur existence et leur antique popularité, il n'est pas besoin de citer les fameux passages si souvent allégués d'Athénée, de César, de Strabon, de Lucain, de Tacite. Il suffit de rappeler qu'au IVe siècle, en plein christianisme, il y avait encore en France un collège de druides. Ozone en offre un témoignage irrécusable. Fortuna, au VIIe siècle, faisait, à deux reprises, un appel à la harpe et à la rote des Bretons. Au commencement du XIe siècle, Dudon de Saint-Quentin, historien normand, pour que la gloire du duc Richard Ier se répandît dans le monde, conjurait les harpeurs armoricains de venir en aide aux clercs de Normandie. Il est donc bien établi que les Bretons de France, jadis sulois par prouesse, par courtésie et par noblesse, des aventures qu'ils ont et qui a plusieurs avenois, faire les laits pour remembrance, qu'on ne les mise en oubliance. Marie de France, les d'Equitam. On donnait donc le nom de lait au récit chanté des harpeurs bretons. Or, ces laits affectaient une forme de versification déterminée et se soumettaient à des mélodies distinctes qui demandaient le concours de la voix et d'un instrument de musique. L'accord de la voix aux instruments avait assurément un charme particulier pour nos ancêtres, car lorsqu'on parle des jongleurs bretons dans nos plus anciens poèmes français, c'est pour y rendre hommage à la douceur de leur chant comme à l'intérêt de leur récit. Mon savant ami, M. Ferdinand Wolff, dont l'Europe entière regrette la perte récente, a trop bien étudié tout ce qui se rapportait aux laits bretons pour que j'aie besoin aujourd'hui de démontrer leur importance et leur ancienne célébrité. Je me contenterai de rassembler un certain nombre de passages qui pourront servir à mieux justifier ou à compléter ces excellentes recherches. Et d'abord, nous avons d'assez bonnes raisons de conjecturer que la forme des laits réclamait, même fort anciennement, 12 doubles couplets de mesures distinctes. Le trouvère français Renaud, traducteur du très ancien lait d'Ignoresse, suppose qu'en mémoire des 12 dames, qui refusèrent toute nourriture, après avoir été servis du cœur de leur ami, les deux laits d'Ignoresse et de Guiron ont été les modèles du beau roman de Châtelain de Coucy, écrit au commencement du XIVe siècle. Le récit de leurs aventures fut ainsi divisé. D'elles 12 fut l'idole fait, et 12 vers pleins à l'ilet. Telle dut être la forme assez ordinaire des autres laits, au moins au XIVe siècle l'exigeait-on pour ceux que les poètes français composaient à leur imitation. Le lait, dit Eustache Deschamps, est une chose longue et malaisée à trouver, car il faut 12 couples, chacune partie en deux. Mais la forme ne s'en était pas conservée dans les traductions faites au XIIe et XIIIe siècle. Marie de France et ses émules n'ont reproduit que le fond des laits bretons sans se plier au rythme particulier ni à la mélodie qui les accompagnait. On reconnaissait pourtant l'agrément que cette mélodie avait répandu sur les laits originaux, et Marie disait en finissant celui de Guggemer « De ce conte qu'il y avait, fut l'ilet Guggemer trouvé, qu'on dit en harpe et en rote, bonne en est à ouïr la note. » Et au début de celui de Graëlan, L'aventure de Graëlan vous dirait, si comme je l'entends, bon en son l'hiver à ouïr et les notes à retenir. La partie musicale d'Ailée était aussi variée que le fond des récits, tantôt douce et tendre, tantôt vive et bruyante. L'auteur français d'un poème allégorique sur le château d'amour nous dit que les solives de cet édifice étaient formées de doulets bretons, de rotruanges estoitophées lipons. Toutes les planches de dix et de chansons, de sons de harpe les attachent des fonds, et des soliges de doulets des bretons. Et d'un autre côté, l'auteur du roman de Troyes, contemporain de Geoffrey de Monmouth, voulant donner une idée du vacarme produit dans une mêlée sanglante par le choc des lances et les clameurs des blessés, dit qu'auprès de ces cris, les laits bretons n'auraient été que des pleurs. Li bruit des lances y fut grand, et haut li cri allant se venir, sous ciel ne fussent rien à ouïr, envers eux, l'îlet des bretons, harpe, vielle et autres sons, nerfs se pleurent non, envièrent leurs cris. Tel n'était pas assurément celui que Blondiseux se plaisait à composer et à chanter. En sa chambre se sied un jour et fait un lait pitance d'amour. Comment d'Anguiron fut sospris, pour s'amour et la dame aussi, qu'il sortot rien s'ama, et comment Liquin puis donna le cœur guiron à sa mollier, par Angier un jour à Mangier. La reine chante doucement, la voix accorde à l'instrument, les mains sont belles, l'île est bon, douce la voix et bas liton. Remarquons ici que ces laits de Gorion ou Goron et de Graëlan n'étaient pas chantés seulement en Bretagne, mais sur tous les points de la France. La geste d'Ancéis de Carthage nous en fournit la preuve. On lit dans un des manuscrits qui la contiennent, « Roi Ancéis du maintenant souper, devant lui fils un breton vielé, le lait Goron, comment il dut finer ?» Un autre manuscrit du même poème présente cette variante. « Li roi séist sort un lit à argent, pour oublier son déconfortement, fais-oi chanter le lait de Graëlan. » Dans la geste de Guillaume d'Orange, quand la fée Morgane a transporté Renoir dans l'île d'Avalon, sa masse fait muer en un faucon, et son vert elme muet en un breton qui doucement harpe le Légoron. Enfin, Roland lui-même comptait au nombre de ses meilleurs amis le jeune Graëlan, dont l'auteur de la geste d'Aspremont fait un jongleur breton. Roland appelle ses quatre compagnons, Estoud de Langres, Bérangier et Hatton, et un dancel qui Graëlan haute nom, né de Bretagne, parent fut Salomon. Roi Carlemagne la voit en sa maison nourrie d'enfance, mou petit valeton. Ne gisoie mais en sa chambre, non. Sous ciel n'a home mieux vielast un son, ne mieux déiste les vers d'une leçon. Ces passages attestent assurément la haute renommée des laits bretons. Nos poètes français les connaissaient au moins de nom, mais ils aimaient le chant sans en comprendre toujours les paroles. Alors ils confondaient, comme dans le précédent exemple, le nom du héros avec celui de l'auteur ou du compositeur. De tous ces anciens récits chantés, les plus fameux étaient ceux que la tradition attribuait à Tristan, tels que le lait mortel, les laits de pleurs, des amants et du chèvrefeuille. Tristan lui-même, dans un des anciens poèmes consacrés à ses aventures, et dont il ne reste malheureusement que de rares fragments, rappelle à sa maîtresse ses compositions. « Onque nouiste vous parler, que moult sa voix bien harpée. Bon lait de harpe vous a pris, les bretons de notre pays. » Et Marie de France a raconté avec un charme particulier à quelle occasion Tristan avait trouvé le lait du chèvrefeuille. Il en était, dit-elle, d'Iseux et de Tristan, comme d'elle chèvrefeuille estoy qui à la codre se prenoie. Ensemble poids bien duré, mais qu'il est vous is décevré. L'icodre fût mort en semant, comme les chièvres hastivement. Belle amie, si aide nue, ne vue sans mai, ne joue sans vue. Pour les paroles remembrées, Tristan, qui bien sa voix harpée, en avoit fait un novel lait. Assez briefement le numérait. Gottlieb l'appelle en anglais. Chièvre le nomme en français. Or, ce lait du chèvrefeuille était déjà regardé au XIIe siècle comme un des plus anciens. L'auteur de la geste des Lohérins le fait chanter dans un banquet nuptial. Grand fut la feste, mais plaignez-y autant. Bondit ce timbre et font feste moult grand. harpes et gigues et jugléors chantant, en leurs chansons vont les laits vielants, que en Bretagne firent yal yamant. Des chèvres foiles vont le sonnet disant, que Tristan fiste, que Iseux amatant. Au reste, il ne faut pas croire que tous les sujets traités dans les laits bretons se rapportassent à des aventures bretonnes. Marie de France, dans sa version du lait de l'épine, parle d'un Irlandais qui chantait l'histoire d'Orphée. Le lait est scout d'Aélis, qu'un Irois doucement note, mou bien le sonne en sa rote, après ce lait autre commence. Nu d'eux ne noise, ne ne tense, le lait l'or sonne d'Orphée, et quand Isselle lait est fini, les chevaliers après parlèrent, les aventures racontèrent, qui sauvantes fois sont venues, et par Bretagne sont séues. Les bardes irlandais étaient renommés en Angleterre et même en France, ainsi qu'on peut le conclure de ce passage. Ajoutons que sous le règne d'Étienne, on voit un prince de North Wales, Griffith ap Conan, faire venir des chantres irlandais pour instruire et réformer les bardes gallois. Walker, Mémoire historique sur les bardes irlandais, cité par M. Park dans Wharton, Dissertation 1. Ainsi, les harpeurs bretons, gallois, écossais et irlandais admettaient dans leur répertoire des récits venus, plus ou moins directement, de la Grèce ou de l'Italie. Précieux débris échappés au naufrage des souvenirs antiques, seulement les laits, étant dits de mémoire et non écrits, offraient le mélange des traditions de tous les temps et devenaient l'occasion naturelle des confusions les plus multipliées. Dans nos romans de la Table Ronde, nous n'aurons pas de peine à reconnaître de fréquents emprunts faits aux légendes d'Hercule, d'Œdipe et de Thésée, aux métamorphoses d'Ovide et d'Apulée, et nous n'en ferons pas honneur à l'érudition personnelle des romanciers pour avoir droit de contester l'ancienneté des laits, car plusieurs de ces récits mythologiques devaient être depuis longtemps la propriété de la Ménestrodi bretonne. De tous les peuples de l'Europe, cette race bretonne avait été dans la position la plus favorable pour conserver et son idiome primitif et les traditions les moins brisées. Les Bretons insulaires, devenus la proie des Anglo-Saxons, s'étaient renfermés dans une morne soumission, mais n'avaient jamais pu ni voulu se plier aux habitudes des conquérants. Ils furent dans le pays de Galles comme les Juifs dans le monde entier. Ils gardèrent leur foi, leurs espérances, leurs rancunes. Ceux qui vinrent en France donner à la presqu'île armoricaine le nom que les Anglais ravissaient à leur patrie ne se confondirent jamais non plus avec la nation française. Aussi put-on mieux retrouver chez eux le dépôt des traditions gauloises que chez les gallo-romains devenus français. Ils avaient été réunis autrefois de culte et de mœurs avec les Gaulois. Le culte avait changé, non le fond des mœurs, non les anciens objets de la superstition populaire. Jamais les évêques, appuyés des conciles, ne parvinrent à détruire chez eux la crainte de certains arbres, de certaines forêts, de certaines fontaines. Que l'étrange disposition des pierres de Carnac, de Mariaker et de Stonehenge ait été leur œuvre ou celle d'autres populations antérieures, dont l'histoire ne garde aucun souvenir, ils portaient à ces amas gigantesques un respect mêlé de terreur qui ne laissait au raisonnement aucune prise. Rien ne put jamais les soustraire à la préoccupation d'hommes changés en loups, en cerfs, en lévriers, de femmes douées d'une science qui mettait à leur disposition toutes les forces de la nature. Et comme ils regardaient les anciens laits comme une expression fidèle des temps passés, ils en concluaient, et leurs voisins de France et d'Angleterre n'étaient pas loin d'en conclure après eux, que les deux Bretagnes avaient été longtemps et pouvaient être encore le pays des enchantements et des merveilles. Voilà donc un fait littéraire bien établi. Les laits, récits et chants poétiques des Bretons, furent répandus en France, tantôt dans leur forme originale par les harpeurs et jongleurs bretons, tantôt dans une traduction exclusivement narrative par les trouvères et jongleurs français, et cela longtemps avant le XIIe siècle. Les laits embrassaient une vaste série de traditions plus ou moins reculées et ne souffrait de partage dans les domaines de la poésie vulgaire qu'avec les chansons de gestes et les enseignements moraux dont le roman des Sept Sages fut un des premiers modèles. Il est fait allusion aux trois grandes sources de composition dans ces vers de la chanson des Cènes. Ne sont que trois matères à nul homme entendant, de France, de Bretagne et de Rome la grand, et de ces trois matères n'y a nul semblant. Les comtes de Bretagne sont évins et plaisants, s'ils de Rome sont sages et de sens apparent, s'ils de France sont voir chasquin jour apprenant. D'ailleurs, on conçoit que les Bretons, en passant par la traduction des trouvères français, aient dû perdre l'élément mélodieux qui recommandait les originaux. C'est le sort de toutes les compositions musicales de vieillir vite. On se lasse des plus beaux airs longuement répétés, mais il n'en est pas de même des histoires et des aventures bien racontées. Ainsi l'on garda les récits originaux, on oublia la musique, qui en avait été le premier attrait, et d'autant plus rapidement qu'on l'avait d'abord plus souvent entendue. Cependant, ces anciennes mélodies avaient offert à nos aïeux du Xe siècle, du XIe et du XIIe, autant de charmes que peuvent en avoir aujourd'hui, pour nous, les chansons napolitaines ou vénitiennes, les plus beaux airs de Mozart, de Rossini, de Meyerbeer. Partagés en plusieurs couplets redoublés, offrant une variété de rythmes et de tons, réunissant la musique vocale et instrumentale, les Les Bretons ont été nos premières cantates. On l'a dit, si le monde est l'image de la famille, les siècles passés doivent avoir avec les temps présents d'assez nombreux points de ressemblance. Pourquoi des générations si passionnées pour les grands récits de guerre, d'amour et d'aventure, qui permettaient à ceux qui les chantaient de former une corporation nombreuse et active, n'auraient-ils rien compris aux mélodieux accords, aux grands effets de la musique? Pourquoi n'auraient-ils pas eu leur Mario, leur Patti, leur Malibran, leur Chopin, leur Paganini? Le sentiment musical n'attend pas, pour se révéler, la réunion de plusieurs centaines d'instruments et de chanteurs. Il agit sur l'âme humaine en tout temps, en tout pays, comme une sorte d'aspiration involontaire vers des voluptés plus grandes que celles de la terre. Ce sentiment, il est malaisé de le définir, plus malaisé de s'y soustraire. Je ne tiens pas compte ici des exceptions, je parle pour la généralité des hommes. Il en est parmi nous quelques-uns qui ne voient dans le système du monde qu'un jeu de machines, organisé de toute éternité par je ne sais qui, pour je ne sais quoi. D'autres ne reconnaissent dans les plus suaves mélodies qu'un bruit d'autant plus tolérable qu'il est moins prolongé. Ces natures exceptionnelles, et pour ainsi dire en dehors de l'humanité, ne détruiront pas plus l'instinct de la musique que l'idée non moins innée, non moins instinctive de la providence. Quand nos ancêtres admettaient les chanteurs et les joueurs d'instruments dans toutes leurs fêtes et dans toutes leurs expéditions guerrières, ils nous donnaient un exemple que nous avons suivi. Il n'y a pas aujourd'hui un seul régiment qui n'ait son corps de musicien. Seulement, au lieu de généreux chants de guerre, nous avons de grands effets d'instruments aussi bien appréciés des chevaux que des hommes. Dans le Moyen-Âge, le roi des ménestrels n'était souvent que le chef d'orchestre d'un corps de musiciens. Et je me souviens d'avoir vu, en 1814, des régiments, des hordes de Cosaques marcher sur des chevaux non scellés, la lance au poing, et précédés de plusieurs rangs de chanteurs qui, sans instruments, produisaient les plus grands effets. Oui, nos ancêtres, et j'entends ici parler de toutes les classes de la nation sans préférence des plus élevés aux plus humbles, étaient sensibles au charme de la musique et de la poésie, autant, pour le moins, que nous nous flattons de l'être aujourd'hui. Quel cercle verrions-nous se former maintenant sur les places publiques de Paris, cette capitale des arts et des lettres, autour d'un pauvre acteur qui viendrait réciter ou chanter un poème de plusieurs milliers de vers, le poème fut-il de Lamartine ou de Victor Hugo? Eh bien, ce qui ne serait plus possible aujourd'hui l'était dans toutes les parties de la France autant si décriées, peut-être parce qu'ils sont très mal connus, de Hugues Capet, de Louis le Gros. Et pour des générations si avides de chants et de vers, il fallait assurément des artistes, jongleurs, musiciens, trouvères et compositeurs, d'une certaine habileté, d'une certaine éducation littéraire. Qu'ils aient ignoré le grec, qu'ils n'aient pas été de grands latinistes, qu'ils se soient dispensés fréquemment de savoir écrire et même lire, je l'accorde. Mais leur mémoire ne chômait pas pour si peu. elle n'en était que mieux et plus solidement fournie de traditions remontant aux plus lointaines origines et rassemblées de toutes parts, traditions d'autant plus attrayantes qu'elles avaient traversé de longs espaces de temps et de lieux, en s'y colorant de reflets qui les douaient d'une originalité distincte. Les jongleurs avaient à leur disposition des chants de toutes les mesures, des récits de tous les caractères. Pour être assurés de plaire, ils devaient savoir beaucoup, bien chanter et bien dire, respecter l'accent dominant des masses auxquelles ils s'adressaient, posséder l'art d'alimenter l'attention sans la fatiguer. La profession offrait d'assez grands avantages pour entretenir entre ceux qui l'avaient embrassée une émulation salutaire et pour les obliger à chercher constamment des sources nouvelles de récits et de chants. Aussi n'avait-il pas tardé à s'approprier les principaux laits de Bretagne comme les plus agréables contes de l'Orient, en imprimant à ses glanes plus ou moins exotiques la forme française d'un dit, d'un fabliau, d'un roman d'aventure. L'ancienneté incontestable et la priorité des laits bretons sur les romans de la table ronde résout une des difficultés qui m'avait longtemps préoccupée. Comment expliquer, me disais-je, le caractère et la composition du deuxième Saint Graal, du Lancelot et du Tristan au milieu d'une société qui, jusque-là, n'avait écouté, retenu que les chansons de gestes, expressions de mœurs si rudes, si violentes et si primitives? Comment Garin le Lohérin, Guillaume d'Orange, Charlemagne, Roland ont-ils pu si soudainement être remplacés par le courtois Artus, le langoureux Lancelot, le fatal Tristan, le voluptueux Gauvin? Comment à la sauvage Lydie, à la violente Banchefleur, à la fière Aurable, a-t-on pu substituer si vite des héroïnes tendres et délicates comme Iseut, Guenièvre, Énide et Viviane? Comment enfin des œuvres si différentes, expression de deux états de société si contraires, ont-elles pu se coudoyer dans le XIIe siècle? C'est qu'au XIIe siècle, et même avant le XIIe siècle, il y avait en France deux courants de poésie et deux expressions de la même société. Les trouvères français puisaient à l'une de ces sources, les harpeurs bretons à l'autre. Les premiers représentaient les mœurs, le caractère et les aspirations de la nation franque. Les seconds, séparés par leur langue et par leurs habitudes du reste de la population française, se berçaient à l'écart des souvenirs de leur ancienne indépendance, conservaient le culte des traditions patriotiques et préféraient au tableau des combats et des luttes de la baronnie française le récit des anciennes aventures dont l'amour avait été l'occasion ou qui justifiait les superstitions inutilement combattues par le christianisme. Les formes mélodieuses de la poésie bretonne retentirent dans le lointain et ne tardèrent pas à charmer les Français de nos autres provinces. Les harpeurs furent accueillis en dehors de la Bretagne, puis on voulut savoir le sujet des chants qu'on aimait à écouter. Peu à peu, les jongleurs français en firent leur profit et comprirent l'intérêt qui pouvait s'attacher à ces laits de Tristan, d'Orphée, de Pyram et Thisbé, de Gorion, de Graëlan, d'Ignoresse, de Lanval, etc. On traitait bien en France tout cela de fables et de contes inventés à plaisir. Longtemps on se garda de les mettre en parallèle avec les chansons de gestes, cette grande et vigoureuse expression de l'ancienne société franque. Mais cependant on écoutait les fables bretonnes, et les gestes perdaient chaque jour le terrain que les laits et récits bretons gagnaient en s'insinuant dans la société du Moyen-Âge. Grâce à cette influence, les mœurs devenaient plus douces, les sentiments plus tendres, les caractères plus humains. On donnait une préférence chaque jour plus marquée sur le récit des querelles féodales, des guerres soutenues contre les morts qui ne menaçaient plus la France, au tableau des luttes courtoises, des épreuves amoureuses et des aventures surnaturelles qui faisaient le fond de la poésie bretonne. Mais cette mémorable révolution ne fut pas accomplie en un jour. La France ne faisait encore que s'y préparer. Quand Geoffroy de Monmouth écrivit le livre qui devait être le précurseur et conduire à la composition des romans de la Table Ronde.